tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, les Antilles françaises enchaînées à l'esclavage, une série de Stéphane Bonnefoy réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a ces histoires complexes qui ne passent pas et des commémorations toujours cuisantes pour ceux qui ne veulent pas réparer. Et il y a surtout l'esclavage comme un système cruel sur lequel est fondé le capitalisme et dont les traces sont partout pour qui veut bien les voir. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui se souvient, un historien qui démonte la mécanique, une historienne qui surveillait sa langue, un homme qui élargit la focale, une femme et sa généalogie, une étudiante les yeux ouverts, des femmes sans hommes, une génération qui dit l'histoire et des descendants d'esclaves et de colons. Ensuite, le décor. Des tombes, un lieu de baignade, l'oubli organisé, le créole, la lucidité, la révolution industrielle, la Guadeloupe, une société matrifocale, des statues à faire tomber, des vies racontées, une base de données, le prix des vies, la couleur de la peau et l'indépendance. Aujourd'hui, 3e épisode, on est au bord de la mer. Le cimetière de la plage des Raisins est un site funéraire signalé dès les années 1980 suite à la découverte d'ossements humains mis au jour par l'érosion marine. Des centaines de personnes y ont été enterrées entre le 18e et le 19e siècle. Et des sépultures d'esclaves ils sont attestés. Angèle et Ville. Grégoire Exact. Pierre Ezop. Renette Dossiman. Auguste Doileau. Capresse d'Olicinard. Jean dit vieux corps. Il y a quelques années, ils ont ouvert ici, on est sur des tombes d'esclaves. Ils ont ouvert jusqu'au bout des barrières là-bas. Et on a vu des corps, des ossements, etc. D'ailleurs, ils ont récupéré quelquefois le long de la plage. Camus, Moluy Fédère, Parfaite, Fépard, dite à Kangoula. Et c'est pas très profond, hein, 1m50, même pas, il y a des tas de gens alignés, hein, à partir d'ici jusqu'au bout des barrières, là, à peu près. Scipion, Paligno, Étienne Artémon. Vous baignez où, habituellement? Moi, je ne me baigne pas du tout, mais ma femme se baigne là-bas. Dans le temps, on était au bord ici. Et puis, on a pris l'habitude de s'installer à 100 mètres là-bas. Et... Jean-Charles Carlus. C'est bizarre d'être au-dessus d'un cimetière. En fin de compte, c'est un cimetière qui a 50 ou 200 ans, je ne sais pas. Jean-Charles Carlus. Théodose Bariol. Alors, il y a une fois, il y avait deux têtes qui sont sorties. Des crânes qui sont sortis derrière là. Depuis en mission, on commence à trouver des squelettes. Et on a appelé la gendarmerie, ils ont décidé de faire une fouille. Et là, ils ont trouvé partout là, devant le restaurant. Là. Il y avait une foule énorme de personnes hein, qui étaient couchées là. Ils sont tous alignés, les bébés, les grandes personnes, tout ça a été aligné, tout droit dans le même temps. Et ils ont fait la recherche pour savoir combien de temps que les gens sont enterrés. Mais ils n'ont rien trouvé. Moi, je suis serveuse, oui. J'ai nourri et logé ici. Et je n'avais pas des intentions qu'il y avait des morts à côté de moi. Si je savais, je n'ai pas dormi là, parce que j'ai peur de la mort. Cette mémoire, quand on regarde bien, elle est confuse. C'est une mémoire, pour l'essentiel, reconstituée. C'est parce qu'il n'y a pas eu, entre les générations, de transmission de cette mémoire, de l'esclavage, des conditions, etc. En pointillé, en petit point, avec des expressions. Quand vous avez un problème avec quelqu'un, une tension, etc., et que vous voulez vous en débarrasser, les gens disaient, « Ah, pour moi, il m'est né ici. C'est pas moi qui t'ai emmené ici. Donc, il n'est pas responsable de toi. » Un passé qui ne passe pas. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Diffy Mariani. s'il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a une méconnaissance totale de l'esclavage aujourd'hui. Parce que dès l'abolition, on a mis en place un mécanisme de l'oubli. Il fallait oublier. René Bélénus. Parce que qu'est-ce qui prend le relais entre 1848 et 1946, c'est le thème de l'assimilation. Assimilation, ça veut dire, nous sommes français depuis 300 ans, nous avons droit à la reconnaissance, il faut devenir des départements français comme n'importe quel département de métropole. Et il faut donner des gages d'amour à la mère patrie. Et on ne peut pas demander à la fois la reconnaissance et lui parler des tâches sombres comme l'esclavage. Et ça va en continu, cette affaire-là, parce que quand en 1998, on commémore le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, M. Jospin, qui est Premier ministre, quel est le slogan qu'il choisit ? Tous nés en 1848. C'est une insulte. Nous, on l'a très mal vécu. Tous nés en 1848. Ça veut dire, ne retenons que le geste de la Seconde République qui abolit et oublions les 200 ans d'esclavage qu'il y a avant. Or, c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne parle que de commémoration, on ne parle que d'abolition. Personne ne parle de l'esclavage. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'esclavage. Moi, je le vois au quotidien. Les gens ignorent pratiquement tout de l'esclavage. Ils sont comme dans les clichés. Vous interviewez Monsieur Tout-le-Monde, il va vous parler de l'Afrique. L'Afrique, nos ancêtres viennent d'Afrique. Mais je rigole doucement, ou alors je suis carrément inquiet. L'Afrique. Mais je vous sors n'importe quel inventaire d'habitation au 18e ou au 19e. Sur 150 esclaves, vous allez trouver 3 fois le mot africain. Ils sont tous nés ici. Ce sont des esclaves créoles. Ça veut dire que la majorité de nos esclaves n'ont jamais connu l'Afrique. Qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique. Qui ne savent rien de l'Afrique. Le système était fait pour tout casser. Il fallait casser. Ça va jusqu'au nom. On ne vous reconnaît pas votre nom africain. On vous baptise au descendant du bateau. On vous donne déjà un nom chrétien. Et sur une habitation, les rares Africains, on ne les met pas ensemble. Et puis même s'ils sont ensemble, ils ne parlent pas forcément le même dialecte, vous comprenez? Donc il faut tuer l'Afrique. Il faut tuer l'Afrique. Et ils y sont parvenus. Et moi j'appelle ça le mécanisme de l'oubli. L'interdiction de parler créole, c'était pour mieux parler français. André Lucrèce. Les gens disaient, ti maman, il mange à l'asdio, papa les créoles. Les mères, ils disaient ça souvent. Ti maman, il papa les créoles. Alors, ti maman, ça veut dire petit, petit garçon, petit enfant, ne parle pas créole. Au point que, d'ailleurs, nous craignions tellement les créolismes lorsque nous faisions nos dissertations, qu'il nous est arrivé de bannir un certain nombre de formules françaises persuadées que c'était un créolisme. Vous voyez ? Par exemple, le mot désagrément. Nous étions persuadés que c'était un mot créole. Parce qu'en créole, on l'utilisait beaucoup. Mais est-ce que, pour autant, les gens mettaient ça en rapport avec l'esclavage ? Non, non. Et toute la Troisième République, c'est ça. La Troisième République... Le travail des instituteurs de la Troisième République, comme les hussards noirs de la République dont on parle en France, c'est faire aimer la patrie, faire aimer le drapeau en tricolore, faire aimer Marianne, la Marseillaise, et l'amour de la France. C'est toute la différence entre la génération de mes parents et la mienne. Où nous, on arrive, on fait des études dans les années 60-70, et puis on jette tout. Nous, on jette tout. Parce qu'on est les premiers à se rendre compte qu'on s'est fichu de nous. Mais nos parents, regardez comment le personnage de Shelcher. On a créé un mythe aux Antilles, le mythe de Shelcher autour de Shelcher. Et bien, le résultat, c'est lequel? C'est que Shelcher a disparu aujourd'hui. Moi, j'étais chef d'établissement. Je dirigeais un établissement où 98% des élèves étaient incapables de faire un lien entre le nom de Shelcher et l'esclavage. On en est arrivé là aujourd'hui. On en a tellement fait qu'on a basculé dans l'excès inverse. On en a trop fait. Et on refait aujourd'hui la même erreur avec Delgrès, parce que je suis de ceux qui pensent qu'on recommence la même erreur. On est dans un delgrécisme qui fait que vous voyez tous les 5 km, il y a un buste de dégraisse maintenant, puisqu'on a donné un buste à chaque commune. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est ridicule. Moi, je l'ai dit. Je l'ai dit, le président de la région qui a fait ça, je lui ai dit, c'était un ami personnel, je lui ai dit, ne fais pas ça. Il m'a dit, occupe-toi de ton histoire, moi, je m'occupe de la politique. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il m'a dit, reste dans ton histoire, moi, je fais de la politique que je fais. L'esclavage n'est pas une histoire guadeloupéenne. Ce n'est pas mon histoire. Je n'en suis pas l'auteur. Je n'en suis pas le producteur. Je n'en suis pas le bénéficiaire. C'est l'histoire de l'Occident. C'est l'histoire de l'Afrique. C'est l'histoire de l'Amérique. C'est l'histoire de la modernité. Et cette mémoire-là a totalement disparu pour être circonscrite à éventuellement une histoire qui concerne d'autres gens. Là-bas, là-bas. Jacques Martial, président du Mémorial Act, Pointe-à-Pitre. Le Mémorial Act aurait dû exister le 28 avril 1848, le lancement de la construction du Mémorial Act. Pas attendre 170 ans. Et tous les dégâts qu'a produit ce silence, cette négation de l'histoire. Ce n'est pas l'histoire des Guadeloupéens, je le répète encore une fois. De 1492... à la révolution industrielle qui fait que le modèle esclavagiste n'est plus le plus performant et le plus économiquement intéressant, la croissance de l'Europe se fait sur cette histoire. Les mouvements, les progrès de la navigation, le développement économique, les échanges, les richesses, le sucre, c'est le pétrole de l'époque. C'est pas une histoire extérieure, encore une fois, à notre histoire. La mondialisation dans ce qu'elle a de brutal et dans le qui est le contraire de la mondialité dont parle Édouard Glissant, le rejet de l'autre qui est le contraire de la créolisation du monde, ça se passe pendant ce temps-là, pendant tous ces siècles. C'est pas extérieur, c'est pas une histoire qui serait dans les étoiles. Et nous, petit peuple de 400 000 personnes, nous en sommes les porteurs, les vecteurs. Nous en avons une mémoire, je pense, dans les gènes. Et elle nous est de toute façon rappelée et renvoyée dans notre relation à l'autre, dans notre relation à cet hexagone, à cette Europe et à cet Occident blanc, qui, quand il regarde, il dit « Mais qui sont ces gens? Quelle est leur histoire? Mais d'où viennent-ils ?» Et l'histoire de l'esclavage est évidemment présente dans ce regard, mais dans un non-dit. Alphonse Alangou, petit frère Jean-Pierre, Atala Alata, Jean-Charles Amande, Mathurine Ambroisie. Je m'appelle Evelyne Pauline, je suis née en 1959, de parents de Marie Galante et de Ronaldo. Et mon père est né en 1911. Et en faisant ces recherches-là, puisque quand j'ai été au centre des archives départementales, je me suis rendu compte que les parents étaient ce qu'on appelait des nègres à talent. Et je me suis mise à réfléchir et à penser comment ils vivaient à cette époque-là et faire des recherches au niveau des enfants. Puis très tôt, nous avons trouvé les traces, nous avons trouvé les documents d'archives, les actes de naissance, les actes de mariage, et les actes aussi de décès. Et j'ai pu remonter la branche paternelle très vite. Et je me rappelle très bien, après toutes ces recherches, j'ai voulu rendre hommage à mes parents, mes aïeux. Donc j'ai fait faire une plaque avec éternellement et aux aïeux, et j'ai mis les dates de naissance et j'ai mis ça sur le caveau familial à Maronalo. Et j'avais un autre regard. Par exemple, quand j'allais sur les terres de Maronalo, j'avais l'impression que je marchais sur leurs pas, et ça m'avait un peu renforcé. Et je me suis dit aussi, effectivement, que je me posais des questions. Est-ce que vraiment ils souffraient? Est-ce qu'ils étaient sur de bonnes conditions, sur des plantations? Est-ce qu'ils étaient des hommes, des femmes qui travaillaient chez le maître ou bien dans les champs? Est-ce qu'ils vivaient la torture? Est-ce que c'était vrai? Et je me rappelle, quand j'ai montré à mon père des documents, il a pleuré. Parce qu'il était tellement ému de voir qu'on avait trouvé les traces de ses aïeux, mais il m'avait toujours dit qu'il était un descendant d'Africains. Figaro Balafoy, Jean-Charles Bancroche, Théodose Nicolas Bariol, Calonis, Mambou Barré, Misère Bariton, Les parents n'ont pas assez parlé là-dessus, se sont tus, parce que pour eux, c'était une souffrance. Et aussi, parfois, c'était des choses qu'il ne faudrait pas que les enfants sachent. Luce, dite Akangua. Jean-Jacques, Kakangua. Modeste Bégué. Jean-Charles, Benjamin Béjam. Bon, j'ai voulu chercher, connaître un peu mes racines, oui. On se tourmente, mais quand même, on se guérit. On se guérit puisqu'on connaît. Cora Bellatora. Jean-Charles Carlus. Apollon Belvédère. François Carlus. Bastien Bensis. Marcel Carlus. Brice Bérin. Charles Bertal. Carolus. Marie-Élisabeth dite Isaac Betty. Casier. Hippolyte Agatine. Moi, je descends d'une négresse à talent. Mon ancêtre, c'est esclave. Elle était blanchisseuse. Elle travaillait pour plusieurs maîtres. Son maître la louait. C'était une autre vie. Elle a eu 7 enfants avec son propre maître. Elle vivait sur une toute petite île au large des Saintes avec son maître. Elle a eu 7 enfants mulâtres. C'était des gens privilégiés. Ces gens-là ne souffraient pas, les négatalans. Ils ne souffraient pas. Ils étaient payés. C'était les seuls à pouvoir racheter leur liberté, tellement ils avaient pu mettre de l'argent de côté. Et certains, parfois, étaient allés même en France apprendre un métier, être tonnelier, vous voyez. Mais qui connaît ça aujourd'hui? Qui sait qu'il y a cette hiérarchie? Et c'est considérable. Vous n'imaginez pas à quel point ça, on vit encore dans les séquelles de ça. Vous ne connaissez pas le créole. Il y a une expression en créole qui dit le fanchou. Le fanchou, c'est péter les reins de son congénère. Vous avez une société ou une administration, vous allez nommer le directeur venu de France. Tout le monde accepte le directeur blanc, le chef. Un Antillais va arriver avec des diplômes, avec tout ça. On va le nommer chef. Il faut le casser. Il faut le casser. On est dans le fanchou. Il faut pas qu'un autre Antillais comme toi progresse, avance. Ça fait partie des complexes de notre société qui freinent notre société. Et c'est partout pareil. Dans tous les secteurs, vous allez entendre ça. Et ça, ce sont des séquelles de cette époque. Parce que le négatalan, quand on pouvait l'assassiner, on l'assassinait. Parce que c'est lui qui fait gagner de l'argent au maître. Vous comprenez? Les esclaves domestiques, pareil, c'était des cibles aussi. Ils étaient détestés. Donc, entre noirs, il y avait des frictions permanentes. Ça se détestait. Et c'est toujours le cas. Près de 200 ans après, on en est encore là. On en est encore là. Et ce sont les séquelles. Parce que les chaînes continuent à être dans les têtes. Elles ne sont peut-être pas dans les chevilles ou dans les bras, mais elles sont là. On est toujours ancré dans cette idée que le blanc est mieux que le noir. Priscilla, étudiante. Que le blanc est supérieur au noir, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, même au niveau de relations sentimentales, je vais dire, un garçon, il va plutôt chercher à avoir une relation avec une fille plus claire de peau qu'une fille vraiment noire ou, voilà, vraiment, qui a les cheveux, comme on dit, grainés, qui font 0-0. Une fille plutôt qui a les cheveux plats. Une fille qui n'est pas noire, en fait. Même au niveau des Miss, on élit chaque année Miss Martinique. Miss... On a été obligé de créer Miss Beauté Noire, en fait, pour pouvoir se dire que, ben oui, la femme noire, elle est belle. Et en fait, je trouve que c'est une bonne initiative, mais on ne devait pas en arriver là. C'est-à-dire qu'on devait le savoir. Et ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est inférieur à quelqu'un d'autre ou que parce qu'on est moins clair, qu'on est moins belle ou qu'on ne vaut pas quelque chose, tout simplement. Ensuite, maintenant, il y a un deuxième aspect qui est assez terrible aussi, mais terrible pas au sens négatif forcément, mais au sens d'une construction particulière. Je pense aux familles. Emmanuel Gordien. Nous avons une caractéristique aux Antilles, ce sont ce qu'on appelle les familles monoparentales. Mais c'est pas comme ici, des familles qui étaient mariées, qui ont divorcé. Non, non, c'est une femme, ce qu'on appelle le poteau mitant, le fer de lance. Une femme qui a des enfants de pères différents, elle élève ses enfants. C'est la femme qui dirige, qui donne le la de la famille, pour l'essentiel. C'est des familles particulières. Famille matrifocale, centrée autour de la mère. Et ça, c'est l'article 13 du Code noir. Les enfants appartiennent au maître de la mère et suivent la condition de celle-ci. Mais voyez-vous, quand je regarde ma société, je me rends compte que, bien souvent, les femmes n'ont pas besoin d'hommes. Enfin, j'exagère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y a pas un homme, elles vont pouvoir vivre. L'inverse, c'est pas vrai. Et ça, c'est le déséquilibre du système esclavagiste, du système colonial. Stéphanie Mulot. Alors, qu'est-ce que le Code noir disait ? Déjà, il ne reconnaissait pas le statut de sujet aux esclaves, c'était des objets. Donc, n'étant pas sujet, il n'avait pas droit à la propriété, il n'avait pas droit au nom, et il n'avait pas droit à la filiation. Donc, en fait, les enfants qui naissaient de femmes esclaves avaient le même statut que leur mère, d'une part, et en plus, c'était la propriété du maître de la mère. Donc, aussi, il y avait deux repères paternels, celui qui engendre et celui qui possède et qui a autorité. Et puis, l'autre facteur important de l'esclavage, c'est que concrètement, dans les plantations, un des privilèges de la domination coloniale pour les hommes, c'est de pouvoir avoir accès aux femmes, la leur, leur épouse, mais aussi les femmes de leur cheptel, entre guillemets, d'esclaves. Et du coup, les dominants ont accès à toutes les femmes, y compris les femmes des dominés, alors que les dominés ne peuvent pas avoir accès aux femmes des dominants. Et ça, ça a des répercussions sur comment on se considère en tant qu'homme et comment on hérite de ça, sur le fait d'avoir été limité dans sa sexualité, dans ses relations familiales. Est-ce qu'on a un modèle de paternité où on peut se construire en tant que père ? Ça a des répercussions sur plein de choses. Là, je le vois sur ces dernières années, il y a une prise de conscience chez les jeunes hommes du fait de ne pas vouloir reproduire cette matrifocalité, de ne pas vouloir reproduire l'absence paternelle et au contraire de s'engager. Comment on apprend à être père dans cette société-là ? Le troisième aspect qui me paraît plus significatif, alors quand je le dis, on se moque de moi parce qu'on me dit tu caricatures, mais je vais vous donner l'exemple. Vous faites une réunion publique dans une grande salle. Vous dites aux Antillais, voilà, on rentre, la réunion va commencer. Tous iront s'asseoir derrière. Aucun ne va aller au premier rang, spontanément. Alors pareil, dans notre association, c'est pareil. Quand on veut poser une question sérieuse à quelqu'un, on la pose à celui qui est plus clair de peau. Parce qu'il en connaît, forcément, il en connaît plus, puis il est plus près du blanc. Donc il y a cet aspect-là qui est encore extrêmement vivace. Extrêmement vivace. On perpétue des complexes, mais qui remontent à cette époque. Et on est complètement dedans. Et c'est et totalement inconscient. Totalement inconscient. Et du coup, dès que vous essayez de dénoncer ces choses-là, ça prend une connotation politique. Ici, tout devient vite politique. Vous voyez ? Celui qui conteste est forcément un indépendantiste. Allez, vous êtes estampillé. Et alors là, on met les pieds. Je peux vous l'assurer, je fais partie des pionniers, des rares profs qui osaient faire de l'histoire locale. C'est interdit, on ne le faisait pas. Mais toute ma scolarité, je ne sais pas c'est quoi un cours sur l'esclavage ou sur un cours sur la Guadeloupe elle-même, était interdit. Imaginez, je passe mon bac en 71, interdit. Je reviens 7 ou 8 ans après comme jeune prof. Qu'est-ce que ça m'a valu comme déboire avec les proviseurs? Attendez, le premier jour, j'ai fait un cours sur l'abolition de l'esclavage et que j'ai remis Michel Scherer à sa place. J'ai 10 parents qui ont défilé le soir même chez le proviseur. Et le proviseur qui leur a dit, ben non, mais écoutez, tous ces petits jeunes-là qui viennent de France, ils sont tous indépendantistes ou ils sont communistes. C'était comme ça. Alors que moi, j'ai jamais milité à quoi que ce soit. Mais faut pas penser. Donc les gens de mon âge, on a vu la transition. J'ai presque envie de dire que c'est notre génération qui a cassé ça. Et le travail des historiens locaux, c'est de dire il faut justement produire une histoire locale de l'esclavage. Et ça, c'est quand même très fort en Guadeloupe. Et je trouve que ça montre qu'il y a, il y a aussi un héritage de lutte. Il y a, par exemple, les leaders indépendantistes dans les années 70... ont vraiment été favorables à cette nécessité de repenser l'histoire d'un point de vue local, de plus passer par la France pour penser cette histoire, c'est-à-dire de modifier le référentiel, de modifier le repère à partir duquel on parle et on aborde l'histoire de l'esclavage, non plus par rapport à l'histoire nationale, non plus par rapport à l'histoire française, non plus par rapport à ce que l'éducation nationale prône, par rapport à ce que ici on en a vécu, on en garde, on en sait, on en dit, on en produit. Et ça se traduit par exemple, l'idée qu'on ne va pas célébrer l'abolition, mais les oppositions à l'esclavage. On ne va pas célébrer l'abolition, mais l'émancipation, le processus d'émancipation. C'est-à-dire comment, au fil des décennies, les esclaves se sont émancipés. Donc on redonne, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 98, cette opposition entre l'injonction nationale et le mouvement local vise aussi à redonner leur subjectivité aux esclaves qui se sont battus et à se réapproprier cette histoire. Et la mise en valeur des héros, la figure du héros, la figure de l'insoumis, la figure du révolté, qui avait commencé avant, parce que Dalgrès, ça ne date pas de 1998, mais elle est dans son apologie avec l'érection dans l'espace urbain public de statues, de stèles, de représentations graphiques, où apparaissent justement tous ces personnages. Il y a un Paul Vertier aussi, après qui doit être parent. Donc on va rechercher l'acte de naissance. Voilà. L'acte 12. Donc, le vendredi 26 mai 1899, à 10h, il a comparu le sieur Ignace Contaré. Donc son papa, c'est bien Ignace, oui. Alors, il est âgé de 23 ans. 23 ans en 1899, ça fait 1860. Ouais, c'est 1876. Marin. Quand on veut commémorer l'esclavage, qu'est-ce qu'il convient de faire? Honorer les abolitionnistes? Il est né le 18 mai et il est déclaré le 26. Honorer les esclaves, ceux qui ont vécu le crime contre l'humanité, parce que c'est un crime contre l'humanité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut honorer? Eh bien, nous avons pensé à l'époque que le cœur devait être d'abord ceux qui ont vécu ce crime contre l'humanité. Et c'est pour ça que nous avons mis en avant ces esclaves que personne ne considérait, qui étaient destinés à l'oubli, qui n'avaient jamais existé d'ailleurs, y compris dans nos cœurs à nous, leurs descendants. Chercher les actes de naissance des deux pour pouvoir remonter encore. D'ailleurs, la grande marche de 1998, qui a présidé à tout ce mouvement mémoriel que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, c'était le mot d'ordre. Penser à nos parents qui ont vécu le martyre de l'esclavage colonial. Nous avons fait cette marche silencieuse et on a été extrêmement surpris. Nous pensions que nous serions 1000-2000. C'est 24. Nous étions 40 000. Il est né dans la maison du sieur Jean-Noël Mopsus, quartier de la Bémao. Et de la dame, sa maman, c'est Noéline Mopsus, âgée de 25 ans. Donc, mai vers 1874. Nous avons, dans l'association, retrouvé les noms de 150 000 antillais qui étaient encore esclaves en 1848. Nous avons une base de données de 650 000 noms avec leur numéro matricule et leur prénom. Nous avons leurs âges. Et nous avons proposé qu'au Jardin des Tuileries, il y ait des plaques où tous ces noms-là soient gravés pour la Guadeloupe, la Martinique, mais aussi pour la Guyane et pour la Réunion, hein, les quatre dernières colonies françaises à esclaves qui ont vu l'abolition de l'esclavage. Et on peut retrouver tous ces noms, on les a. Et je crois que c'est ça la réparation majeure, symbolique. C'est la seule d'ailleurs qui a du sens et qui, à mon avis, peut permettre de construire une nouvelle citoyenneté. Donc, nous sommes présentés un enfant né le dimanche 9 août. À 8h du matin, de lui déclarer dans sa maison, 6 à la Bémao toujours, et la dame Hippolyta Berchel, âgée de 26 ans. L'association, c'est le CM98. C'est une association mémorielle qui permet aux gens de la communauté de retrouver leurs aïeux, ceux qui ont été esclaves. Nous, on a fait des recherches, nous, en tant que bénévoles, aux archives. On était aux archives. Et donc, on a pu faire un mémorial à partir de ça. Il y en a un sous la Guadeloupe, un sous la Martinique. Ça permet aux gens de retrouver leur aïeux. Et nous, on fait le travail pour partir aux deux ou de leurs parents pour remonter jusqu'à l'esclave, pour les affilier à leurs parents. Élise Célestine, Célina Selin, Marie-Louise Cerf, Claire Alcire, Ignace Aldor, Mon chéri Sérimon, Cécilia Alici, Mathurine Ambroisie, Chassin, Marie-Anne Amia, Eustache Chatuse, César Aloha, Narcisse Alphonse Chelou, Alongo, Calix Amin. Au départ, moi je voulais retrouver l'esclave à qui on a donné le nom que je porte, en 1848. Donc en faisant ma recherche sous le registre des nouveaux livres, j'ai pas retrouvé le nom. Donc ce qui fait que j'ai vraiment poussé ma recherche, donc j'ai trouvé une reconnaissance. C'est une esclave qui a eu des enfants avec un propriétaire d'esclaves. Et en remontant, donc j'ai pu faire ma généalogie en remontant jusqu'en 1620. Donc le nom patronymique c'est Rock. En 1620, c'est un écuyer du roi qui venait de Saint-Nizier à Lyon. Donc ses fils sont partis aux Antilles, arrivés à Basse-Terre. Il y en a un qui est arrivé à Trois-Rivières et donc est sur l'habitation. Donc un petit-fils a eu des enfants avec une esclave. Voilà, ce sont mes ancêtres. En 1849, les enfants ont été reconnus par ce monsieur Rock. Pour moi, s'il n'y avait pas d'amour, il n'aurait pas reconnu ses enfants après. Voilà. Donc pour moi, je dirais dans mon cas, c'est de l'amour. Je préfère dire que c'est de l'amour. Presque tous les Antillais ont des ascendants probablement blancs et ascendants colons. Et pourtant, tous se revendiquent de l'opprimé. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Et c'est pour ça, c'est ce travail de fond que l'association, mon association, essaie de faire. Nous faisons des récits généalogiques. La question est de comprendre qui est notre premier esclave. Et par exemple, on a acheté les archives notariées. Parce que l'esclave était un bien meuble, on peut le vendre, on peut l'acheter. Enfin, j'ai trouvé le prix de mes parents du côté de ma mère. Et je vous assure que je ne pensais pas que j'aurais pu avoir autant d'émotions. Parce que j'étais sûr de savoir ce que c'était que l'esclavage. J'avais fait toute ma généalogie, mais je n'avais pas encore eu accès à ces archives-là. Et quand je vois le prix, 1800 francs, je me dis, où ? Et je vois que sa mère, qui était à 1700 francs, on la revend à 800 francs, parce qu'elle avait un ulcère de la jambe. Et je vois, trois lignes plus bas dans l'archive notariée, cette dame qui est là, eh bien, on l'a donnée parce qu'elle avait des hémorroïdes. Ça veut dire que nos parents qui étaient à l'époque étaient vraiment des bêtes de somme. D'autres, on appelait monsieur bras coupé. On savait donc par conséquent qu'il avait un bras coupé. Donc on a les éléments. Et l'un des objectifs de ce atelier de généalogie qu'on a créé, justement, c'est de faire ces récits généalogiques. D'aller au plus près des éléments que nous pouvons avoir. Donner une âme à toutes ces personnes-là. C'est ça qui m'importe. Et on comprendra, on verra les faits de violence. On les verra concrètement dans nos histoires précises. Et on saura comment nous, la violence, nous l'avons en nous, comment elle est cette violence. Quand je parle de cette histoire, je dis que nos parents avaient trois compagnes, trois fidèles compagnes. La peur, la violence et la mort. Et nous nous construisons dans le dedans. Minute du procès de l'esclave Lucille, La Pointe-à-Pitre, octobre 1840. Mon nom est Lucille. J'appartiens à Jean-Baptiste Douillard-Mahaudière, habitant propriétaire d'une sucrerie à Lens-Bertrand, Guadeloupe. Un jour, à mon grand étonnement, mon maître me fit arrêter sans aucun motif. « Va, malheureuse, va pourrir au cachot », me dit-il. Et je fus enfermée, le pied gauche et les deux mains passées dans un anneau de fer. La main gauche était superposée au pied gauche, de façon à ne pouvoir s'en écarter. Dès le premier jour, la douleur fut si forte qu'à mes cris, on vint me tirer le fer de la main droite. On ne me donnait qu'une nourriture insuffisante. L'eau m'était également épargnée. Je n'en recevais qu'une bouteille par jour. Privée d'air et de clarté, la souffrance repoussait le sommeil et l'appétit. Sans le secours de mes enfants, on m'aurait laissé dans mes ordures et j'étais couverte de vermine. Je restais 22 mois enfermée. Et quand on vint me délivrer, mes yeux ne purent supporter la lumière. Mes jambes refusaient de me porter. L'air oppressait ma poitrine et je fus prise de vomissements. Comme dans toutes les voix d'esclaves, ce que j'aime dans ces textes, c'est ces gens qui se disent. Dominique Rogers. Ce que cette femme nous dit, c'est « je suis un être humain et j'essaye de survivre ». Et je trouve que c'est plutôt positif par rapport à l'image que nous nous en faisons. Et c'est aussi... vous ne percevez peut-être pas bien comment dans les sociétés dans lesquelles nous vivons ici, l'esclavage est pour certains encore quelque chose qui pèse, quelque chose qui empêche de vivre, quelque chose qui fait qu'on s'auto-limite. Je suis descendant d'esclaves, donc je n'aurai pas ci, je n'aurai pas un prêt à la banque, on ne pourra pas me faire confiance. Je suis noire, donc... Prendre conscience que son ancêtre, même dans une situation de coercition extrême comme celle de l'esclavage, a pu, à son niveau, rendre les coups dans sa pauvreté, dans son inefficacité, et s'est battu pour sa liberté, pour élever ses gamins, pour les récupérer, je pense que c'est vital. Et donc c'est très important de pouvoir entendre ce discours alternatif. Quand nous voyons esclave, nous voyons une totalité. On essentialise le mot. Et donc on a dit esclave, donc ça veut dire soumission, ça veut dire plein de choses. Mais non, c'est un homme qui a été asservi. Et en tant que tel, il reste un homme dans tous ses actes de sa vie. Et les voix d'esclaves, ouvrage dont j'ai dirigé la publication, donnent justement à entendre ces hommes et ces femmes qui exercent leur agentivité. Et ce sont quand même des gens qui, alors que tout, on essaie de les réifier, de les animaliser, de ne pas reconnaître leur humanité, agissent comme des êtres humains, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de les entendre. Théophile Lolo Ducasse, Andrinette Bachet, Claire Bagot, Anastasie Baloir, Jean-Marie Bapin, Saint-Élie Barazine, Narcisse Di Beaubassin Bastel, Marie-Joseph Béranger, Gratin Bello. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il est esclave, vous lui supprimez sa généalogie, son histoire. Et ça, c'est important pour nous. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes des descendants d'Africains réduits en esclavage. Nos ancêtres, ce sont des Africains qui ont été réduits en esclavage, qui ont été déportés. Et ça, c'est fondamental. Ça change tout. Jacqueline Jacquerey, présidente du CIPN, Comité international des peuples noirs. Parce que lorsque vous dites que vous êtes un descendant d'esclaves, vous marchez déjà la tête baissée. Lorsque vous dites que vous êtes un descendant d'Africains réduits en esclavage, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a une histoire, qu'il y a un passé, qu'il y a une culture, voilà. Et tant qu'on parlera de l'esclavage de notre point de vue, pas du point de vue des Français qui ont bénéficié de cette affaire-là et qui, bon, c'est leur histoire, ils doivent l'apprendre, c'est vrai qu'on aura l'impression que c'est clivant. C'est vrai. Mais si la France apprenait cette histoire-là à tous ces Français, il n'y aurait pas de souci. Hein? Les gens comprendraient tout à fait la légitimité de notre combat. C'est une histoire partagée. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'apprennent pas cette partie de l'histoire aux gamins? Qu'est-ce qui fait qu'ils disent de Napoléon que Napoléon... Non, moi, j'étais en troisième, Napoléon, c'était mon idole. Vous comprenez? Il a traversé l'Europe, il est machin. Personne ne me dit que Napoléon a rétabli l'esclavage. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vous apprennent pas ça? Pourquoi ils ne vous ont pas appris cette partie sombre de l'histoire de la France? Et peut-être qu'on aurait plus de Français à côté de nous. Dans cette... Parce que c'est vrai qu'on a l'impression de les emmerder. Excusez-moi d'être trivial, on emmerde les Français. Parce que, comme ils ne connaissent pas l'histoire, ils ont l'impression qu'on veut leur demander de l'argent alors qu'on nous donne déjà la femme seule, on nous donne les allocations logement, enfin, on nous donne plein de... Ouais. Mais nous, au CIPN, on appelle ça avance sur dette coloniale, vous voyez. Ada Adaé, Christine Christiane, Adage, Magdeleine Adema, Adrienne Adrine, Bébiane Adrine. Donc le combat, bien entendu, du CIPN, c'est, nous avons donc la devise, c'est les trois R. Hein? La reconnaissance du crime, ce qui a été fait à travers la loi Taubira, les réparations et puis la réconciliation. Et c'est là justement notre difficulté, c'est qu'il y a plein de personnes qui veulent qu'on passe de la reconnaissance à la réconciliation, sont passés par la case de réparation, qui est pour nous importante, de dire voilà, il y a eu des victimes, nous ne sommes pas dans la victimisation. Et ça, c'est fondamental, parce que très souvent, on nous reproche d'être dans la victimisation, nous ne sommes pas dans la victimisation. Nous disons qu'il y a un crime qui a été commis, nous ne cherchons pas de responsable. Mais nous savons que ça a profité à l'État. Si les pays occidentaux sont aussi évolués, l'esclavage a contribué pour une grande part à cette affaire-là. Donc nous disons qu'il doit y avoir réparation à tous les niveaux. Mon chéri Sérimon, Joachim Chassin, Eustache Chatuse. En créole, on dit « yo démouné nous ». Voilà, on nous a déshumanisés. En tout cas, il y a une démarche de déshumanisation qu'on marche depuis tout ce temps-là. Et donc, c'est vrai que tout ce qui peut nous rattacher à nos ancêtres est tabou, n'est pas bon. En tout cas, moi, je suis afro-descendante, je suis africaine, guadeloupéenne, voilà. C'est pas forcément être dans l'anti-blanc, c'est pas forcément ça. C'est dire, nous avons vécu quelque chose, nous voulons déjà, un, que ça soit vraiment reconnu. Alors la loi de 2001, elle reconnaît l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité, mais concrètement, ça ne suffit pas dans les politiques publiques, dans la façon de considérer ces départements, dans les livres, dans les programmes scolaires. Mais ce n'est pas que l'esclavage, c'est aussi dans les livres pour nos enfants à l'école, leur montrer des fruits, des fleurs, des plantes qui sont celles de leur environnement, pas les sapins et les marguerites ou les roses de l'Hexagone. Vous voyez, bah, ça va là aussi. Et du coup, c'est retrouver les différentes composantes de son histoire, de son identité, et réconcilier ça. Mais la réconciliation, elle n'est possible que s'il y a d'abord conciliation, c'est-à-dire exposer des motifs, exposer du crime. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vérité avant réconciliation. Vérité, qu'est-ce qui s'est passé ? Et d'où l'on vient ? Pourquoi on est là ? Et alors, pour certaines personnes, être aujourd'hui antillais, caribéen, c'est juste le résultat de la colonisation. Normalement, pour certains, ils pensent qu'ils auraient dû être africains. Bon, et donc, poser les choses. Le crime, c'était quoi ? Qui l'a fait ? Qui sont les responsables ? Qui sont les coupables ? Qui sont les victimes ? Alors, bon, c'est pas toujours évident, parce que l'histoire est complexe. Les descendants des victimes sont parfois aussi responsables. Bon, c'est pas complètement noir et blanc, cette histoire. Mais, en tout cas, poser, exposer des faits, pour demander reconnaissance, réparation, et puis ensuite réconciliation. Réconciliation avec l'Afrique, réconciliation avec l'Europe, avec l'Amérique, et réconciliation avec soi-même. C'est ça qui est important, réconciliation avec soi-même. Je me suis baptisée Faniwa parce que mon nom d'état civil, ce n'est pas Faniwa. Ma mère est française, mon père est martiniquais. Je dirais africain, qui vit sur l'île de la Martinique. L'histoire de mon père ne commence pas en Martinique, mais elle commence déjà bien avant la déportation de nos ancêtres. Alors, est-ce qu'on nous a transmis l'histoire de mes ancêtres ? Pas vraiment. On a chez nous cette parole qui dit « nègre ni mauvais manié » ou « nègre la pas bon » ou « c'est bagaille vie nègre ». Donc, il y a peut-être cette source-là qu'on veut camoufler, qu'on veut cacher, qu'on veut faire disparaître de notre sang. À l'époque où mon père était jeune, par contre ça il nous racontait, que plus on est foncé de peau, moins on était... plus on devait se débrouiller. Et plus on était clair de peau dans la famille, plus on avait des avantages. Des chaussures neuves, des linges bien repassés, voilà. Et on appelle ça la peau sauvée. Et bon, ma mère est française, mon père est martiniquais. Donc, j'avais une sorte de forme de bipolarité. Et lorsque j'ai vécu de 2011 à 2013 en France, à Montpellier, je me suis rendu compte que je ne suis pas française, parce qu'on ne me considérait pas française. Et j'avais toujours à justifier ma blanchitude, pour ainsi dire. Et même en essayant de prouver ma blanchitude, rien à faire, on ne me reconnaît pas en tant que française. Et en Martinique, je n'ai pas eu ce problème. Et lorsque je suis allée en Afrique cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai 42 ans. Et en Afrique, je n'ai pas ce problème. En fait, peut-être parce que je n'ai pas vécu suffisamment longtemps, mais je n'ai pas eu ce problème de reconnaissance en tant qu'Africaine. Agatine, Aglaé Aigle, petit frère Jean-Pierre, Lucrèce Agétor, Atala Alata, Cécilia Alessi, Alcidor, Alcindorine. On reprend petit à petit, on reprend. On reprend tout ce que nos ancêtres, ce qui a été perdu au fil des années aussi. Donc on cherche, on reprend et on retourne aux sources, qui est l'Afrique, pour aussi retrouver ce que nous avons perdu là-bas. Dans l'imaginaire, le retour à l'Afrique, c'est revenir à une antériorité avant la colonisation aussi, c'est-à-dire quelque chose où il n'y aurait pas cette souillure coloniale, quoi. Bon, et puis en même temps, ben, concrètement, quand on va en Afrique, ben, c'est aussi une terre de colonisation, donc c'est un peu compliqué d'y retrouver une virginité originelle, en fait. Parfois, c'est ça qu'on va chercher, une virginité originelle. Concrètement, les sociétés américaines qui sont nées à la fois de la colonisation, du génocide des Amérindiens, de la mise en esclavage des Africains, de la structuration socio-raciale de l'économie de plantation et de la migration des populations venues de la planète entière, elles produisent une culture où tout est mêlé. Et essayer de démêler, ah ben ça c'est africain, ça c'est français, ça c'est anglais, ça c'est sénégalais, ça c'est malien, ça c'est dahoméen, ça c'est... C'est un travail à devenir chèvre, presque. Et parce que, alors c'est intéressant d'un point de vue idéologique, mais d'un point de vue pratique, c'est presque impossible. Parce que concrètement, c'est ce que Glissant disait, hein, c'est le processus de la créolisation, tout est entremêlé. On n'est pas dans des sociétés ataviques, hein, on est dans des sociétés composites, et donc on est fait de tout cela. Et après l'abolition de l'esclavage, nouvel arrivage d'autres peuples, je pense aux Indiens, 40 000 sont arrivés à la Guadeloupe, un peu moins à la Martinique, 8 000. Mais 12 000 Africains du Congo, essentiellement, sont venus à la Martinique. À peu près 3 000 en Guadeloupe. Après, il y a des Chinois qui sont arrivés, des Japonais qui sont arrivés, mais qui ne sont pas restés, ils sont plus partis vers la Trinidad, les grandes colonies. Ensuite, il y a eu des Libanais, des Syriens, des contrôleurs français. Ensuite, il y a eu des Italiens qui sont venus travailler l'or. Donc, vous voyez, ce melting pot, ce qui est extraordinaire, et moi qui m'a toujours frappé, c'est que tous ces gens-là parlent créole et disent qu'ils sont guadeloupéens, en Guadeloupe. Je pense que c'est pareil à Martinique. Eh bien, ils disent qu'ils sont guadeloupéens. Hein. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a cette créolisation qui se fait de fait et qui montre quand même une certaine vitalité. Et en fait, ce qui, à mon avis, mais ça c'est un avis extrêmement personnel, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas, autant il y a une créolisation, donc il y a une sorte de vie commune, mais il n'y a pas une vision commune de développement. Il n'y a pas une vision commune d'un avenir commun. Et c'est ça qui pose question. Chaque groupe se développe pour soi. Il n'y a pas comme ça ce sentiment national, si on peut l'appeler comme ça, ce sentiment d'appartenance collective. Lorsque j'étais au lycée, il y avait un professeur de français qui nous disait « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Je fais le lien rapidement avec la France parce que je me dis, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les Français vous disent, oui, c'est vrai. Oui, on a mis vos ancêtres en esclavage. Oui, c'est vrai, on a dépeuplé l'Afrique. Oui, c'est vrai, ils ont travaillé pour rien. Oui, c'est vrai, il y a eu un certain nombre de choses. Mais écoutez, on vous emmerde. Voilà. On vous emmerde et voilà. Vous passez, il n'y a rien à voir. Donc, nous avons eu, au niveau du CIPN, hein, puisque les camarades du MIR Martinique ont également demandé réparation, ce que nous demandons, c'est qu'on mette en place un comité d'experts. Nous avons demandé une avance de 200 milliards sur les dettes, qu'on mette en place un comité d'experts. Mais surtout, également, nous demandons que notre pays soit libre. Renette Dossimon, Auguste Doualo, Caprès Dolismar, Dolore Dolores, Dominique Domjean, Anne-Clémentine Doran. Alors l'idée c'est que ça soit remis à une collectivité qui organise les choses. D'Orlin. On va faire ce qu'on veut de notre argent, on va développer notre pays. C'est ce que nous voulons. Nous voulons pouvoir développer notre pays, former notre jeunesse et surtout, comme je vous dis, nous notre combat c'est aussi le combat de l'indépendance. Donc nous allons nous organiser. Nous ne sommes pas français, nous voulons l'indépendance de notre pays, ça c'est clair, nous nous battons pour l'indépendance de notre pays. Nous voulons pouvoir organiser notre vie, organiser notre pays, organiser l'avenir de nos enfants. À qui on va réclamer ? Aux rois africains qui ont fait des razzias dans les royaumes dominés ? Aux colons qui, bien souvent, beaucoup d'entre eux étaient ruinés, sont partis ruinés, sont revenus en métropole ruinés ? Je prends l'exemple notamment du colon de... qui était propriétaire de mes propres parents à la Guadeloupe, parti ruiné. Alors la question est posée, c'est comment évaluer, à qui demander Et pour faire quoi? Alors, la question qu'il demandait à l'État français, à mon avis, qu'on doit lui demander, c'est quelles sont les réparations de la colonisation française? Comment voyez-vous les politiques publiques? Comment comprenez-vous les dégâts qui ont été faits par la colonisation et l'esclavage dans ces sociétés? Et comment est-ce que, en termes de politique publique, vous soutenez, vous développez des politiques qui puissent permettre de régler, en tout cas d'avancer sur ces questions? C'est ça qu'il faut demander à l'État. Parce que nous sommes les Français. Il n'y a pas un État entier qu'on va indemniser. Il y a une politique française publique à prendre en compte dans la sphère globale. Le problème, c'est le malaise social quotidien et ce sentiment qu'il y a une reproduction de ce qui s'est passé il y a 2 siècles en voyant une espèce d'assignation sociale en fonction de la couleur. Il faut d'abord régler ces problèmes-là. Frédéric Régent. Lorsque l'on voit au test d'évaluation d'entrée en 6e, enfin les tests que l'on fait dans l'éducation nationale, il y a 10 à 15 points de retard en Outre-mer, donc il y a un problème. Ce problème peut être réglé qu'en donnant des moyens supplémentaires à l'éducation, au niveau économique aussi, hein, lorsqu'on voit des taux de chômage. C'est pour ça que, en gros, la question des réparations est en résonance avec une question sociale qu'il faut régler et qui, à mon avis, ne sera pas réglée uniquement parce que, de l'argent serait donné à qui, comment, selon quels critères serait donné. C'est résoudre avant tout un problème social et culturel qui existe. Estelle Dortimer, Édouard Doiré, Thérèse Doucement. Le taux de maladies psychiatriques est extrêmement élevé aux Antilles. D'ailleurs, des psychiatres métropolitains qui sont passés là-bas, des amis à moi, me disent souvent que votre pays est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Et cette psychiatrie, quand je regarde bien, ça touche essentiellement les hommes. Alcidor, Alcindorine, Claire. Et je me dis, est-ce que j'ai raison de dire ça? Mais c'est des questions qu'il faut fouiller. Mais je sais que chez nous, la maladie psychiatrique, elle est extrêmement importante. C'est un problème de santé publique majeur chez nous, mais qui n'est pas abordé. Parce que nous-mêmes, dépositaires de cela, nous n'avons pas la conscience de cela encore. Et nous n'avons pas encore fait ce qu'il faut faire là-dessus. Il faudrait que orienter les médecins vers la psychiatrie pour étudier ces questions sur le fond. Mais quand je dis ça, je dois mettre un bémol tout de suite. Nous sommes un très jeune peuple. Quoi, 380, moins de 400 ans, dont plus de 321 ans en tant que colonisé. 73 ans non colonisés. Misère, baryton. Pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a encore de l'expérience à accumuler. Ça ne remet pas en question un éventuel fait national. Si ces peuples-là, une fois qu'elles ont compris ce qu'elles sont, veulent s'assumer politiquement, individuellement, pourquoi pas? La démocratie, les hommes décident. Hein. Il faut qu'ils le fassent en connaissance de cause. Quelle histoire nous porte? Quel peuple sommes-nous? Et quelle révolution avons-nous à faire? Germain Africanus, Julien Caius, Benjamin Bindin, Nicolas Calonis, Bastien Bensis, Élise Célestine, Albert Jalim, Hippolyte Hippocrate, Rosette Pastel, Bénédictine, bientôt. Un passé qui ne passe pas. Avec André Lucrèce, Jacqueline Jacquerey, Raymond Boutin, Frédéric Régent, Stéphanie Mulot, Priscilla, Fanny Wa, Emmanuel Gordien, René Bellénus, Dominique Rogers, Jacques Martial, Harry Rock et Evelyne Pauline. Lecture du procès de la Maaudière, Yasmine Modestine. Archive INA, Véronique Jolivet. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Coordination, Perrine Kervran et Marivonne Abolivier. Prise de son, Clémence Bonfils. Mixage, Bruno Mourlan.